Yeah. Spécialement dédicacé à toutes celles qui se prennent pour le centre du monde là. Toutes celles qui se la racontent. Eh, hey, faut arrêter de se taper la honte là ou là. Yeah. Money, money, attitude, baby. Elle court après le fou, elle veut nous rendre fous. Non, mais nous ont pris pour qui? Rien n'est gratuit, tout se paye. Tu veux les diamonds, baby, arrête de faire la chienne. Le monde tournera avec ou sans toi. T'as cru quoi? T'allais tout avoir en claquant des doigts, réveille-toi. Bonjour, ça se passe pas comme ça. Le grand amour, c'est pas ça, fait comme ça qui te voudra. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Toutes pareilles. Celle-ci c'est pour les clubs et les lovers. Les miches, les études, miss game over. I'm a motherfucking gangster lover. Rien à foutre, toi, mon iPhone est plein number. Comme Obama, moi j'ai le prix Nobel de la crasse. Envers la jante féminine qui se croit en place. Zerma devant la glace, elle se voit la plus belle. Et face à moi c'est qu'une podcast qui finit à la poubelle. Devant mes gars, elle fait la super modèle. Pour moi c'est arrière de la turvo au hôtel. Une aubaine, si c'est elle en plus qui paye. Joue juste à leur game, appelle-moi un mec modèle. Elle croit savoir tout. Tu lui parles, toujours réponse à tout. Elle joue de ses arts, tout la crime me rend fou. Elle a fini à genoux avec un sale coup. Le reste arrêtera de la bonne attitude, baby. Elle court après le fou, elle veut nous rendre fou. Non mais nous ont pris pour qui? Rien est gratuit, tout se paye. Tu veux les diamonds, baby, arrête de faire la chienne. Le monde tournera avec tout sans toi. T'as cru quoi? T'allais tout avoir en claquant des doigts. Réveille-toi. Bonjour, ça se passe pas comme ça. Le grand amour, c'est pas ça, fait comme ça qui te fout. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Pareil, toutes, toutes, pareil, elles sont toutes, pareil, toutes, toutes, pareil, toutes, pareil. Elle s'est pris pour le centre du monde, faut lui dire qu'elle arrête de se taper la honte. Si elle sait pas faire, moi je lui montre qu'elle soit fine, ronde, rousse, brune ou blonde. Le matériel fera que la relation sera plus ou moins longue. Qu'est-ce que je me trompe? Dis-moi, est-ce que je me trompe? Tu peux pas me corrompre, baby. Quand tu sens, moi je monte, tu plutôt comme ça, eh, eh, oui. Toi je m'en bats les clés, oui tu veux être avec moi, achète-moi une Lamborghini. Mets-toi plutôt en jupe mini, qu'on fasse des folies, nous deux ça durera qu'une nuit. T'es plein de manières sérieuses, tu fais la fille sérieuse, mais je sais ce que tu veux. T'as cru que t'étais belle, mais des filles comme toi en armes ça la peine. Money, money, attitude, baby. Elle court après le fou, elle veut nous rendre fous. Non mais nous ont pris pour qui? Rien est gratuit, tout se paye. Tu veux les diamonds, baby, arrête de faire la chienne. Le monde tournera avec tout sans toi. T'as cru quoi? T'allais tout avoir en claquant des doigts. Réveille-toi. Bonjour, ça se passe pas comme ça. Le grand amour, c'est pas ça, fait comme ça qui te voudra. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles. Toutes pareilles. Plus tu la fuis, plus elle viendra vers toi. Plus tu la suis, plus elle s'en foutra. Ma mère m'a dit, aime celle qui t'aimera. Accorde de l'importance à celle que tu choisiras. Je me tape des barres et font les filles bien. Traînent tard le soir en deux bois. Font les stars et se mettent à boire. Finissent avec des gars dans un endroit bien, bien noir. Mama, comment tu veux que je me case avec des filles qui sont tout juste bonnes pour la casse? Et pense qu'à leur face, qu'à leur ass, qu'à leur putain de paillettes et strass. Elles parlent de mariage, elles ont des dossiers qui rempliraient la moitié de mes doigts. Elle m'a la visage, elle veut toujours être en première page. Tu veux être avec moi, pour moi ça sera sorry, sorry. Money, money, attitude, baby. Elle court après le fou, elle veut nous rendre fous. Non mais nous ont pris pour qui? Rien est gratuit, tout se paye. Tu veux les diamonds, baby, arrête de faire la chienne. Le monde tournera avec ou sans toi. T'as cru quoi? T'allais tout avoir en claquant des doigts. Réveille-toi. Bonjour, ça se passe pas comme ça. Grand amour, c'est pas ça, fait comme ça qui te voudra. Elles sont toutes pareilles, toutes, toutes pareil, sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles, sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles, toutes pareilles, toutes pareilles, toutes, toutes pareilles, sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles, sont toutes pareilles, toutes, toutes pareilles, toutes pareilles.